إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver, mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le mardi 12 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 5 mai 2020. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir rahimahullah, qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Avant de commencer, par rapport à l'interrogation d'un de nos frères au sujet de Qiyam al-Layl, est-ce que dans la prière nocturne, on ne doit pas dépasser 11 rak'at et que ceci n'est pas légiféré? Est-ce que c'est une bid'a de faire plus que 11 rak'at? Les savants ont détaillé cette question et ont cité les arguments. Depuis les premières générations de cette communauté. Et ce qui est rapporté authentiquement des imams de Salaf corrobore cette compréhension qu'ont la majorité des savants de l'islam. C'est que prier 11 rak'ah ou 13, en tout cas ce qui est rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est ça la sunna et c'est la meilleure des choses. C'est ça la sunna et c'est la meilleure des choses. Et sur ce point, il n'y a pas de divergence à ma connaissance entre les hommes de science. Donc prier 11 rak'at dans Qiyam al-Layl, c'est la meilleure des choses, car c'est la guidée de notre prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qu'il faisait toute sa vie. Ça peut lui arriver de diminuer certaines fois, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques. Des fois, c'est rapporté de lui qu'il a prié 13. Donc, sans trop s'attarder sur ce point, prier 11 rak'at ou 13, c'est la meilleure des choses. Mais c'est la meilleure des choses quand tu les fais comme ça a été décrit par notre mère Aïcha radiallahu anha. قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Donc c'est 11 rak'at que le Nabi alayhi salatu wassalam faisait durer longtemps et il est prié à la perfection. Dans la récitation, il restait yani, le temps dans lequel des fois il a récité le Baqara en entier, Surat al-Baqara en entier, et d'autres fois il a récité le Baqara et Ali Imran et ainsi de suite. Donc c'est une longue récitation. Et après, c'est une prière égale dans ses parties. C'est-à-dire que quand il met un certain temps dans la récitation, il va mettre le même temps dans le rukou', et il va mettre le même temps quand il se lève dans le rukou', et le même temps dans le sujoud, et le même temps quand il s'assoit entre les deux prosternations, et ainsi de suite. Donc pour celui pour qui Allah il permet cela, certes ça, personne ne peut le dépasser dans la récompense et dans le mérite. Mais alhamdulillah, c'est pas obligé de se limiter à ce nombre. Comme ceci est rapporté de beaucoup d'imams qui priaient 300 rak'ah, 200 rak'ah et ainsi de suite, de nuit. Et ça, c'est un degré inférieur à celui qui ne peut pas le degré du prophète alayhi salatu wassalam, il faut le savoir. C'est un degré inférieur à celui qui ne peut pas le degré du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il va raccourcir la durée des rak'at et il va augmenter le nombre. Car la prière de nuit n'est pas conditionnée par un nombre précis. Comme la prière de jour d'ailleurs. Quelqu'un qui prie dhuhr et qui commence à faire nafila jusqu'à l'asr. Est-ce que quelqu'un lui dit que ce que tu as fait n'est pas légiféré? Non. La prière de nuit comme la prière de jour ne sont pas conditionnées. C'est pour ça qu'on appelle ça un naflul mutlaq. Un naflul mutlaq. Mais la meilleure chose dans la prière de nuit, c'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié, en quantité et en qualité. Quand les deux caractéristiques sont réunies. Celui qui ne peut pas la qualité de cette prière, ni dans sa durée et dans sa longueur de récitation, il peut augmenter le nombre de salawat et le nombre de rak'at et raccourcir le temps de chaque rak'at. Et ça, c'est un allègement qui a été pratiqué par la plupart des imams dans tous les pays, et c'est rapporté authentiquement, de beaucoup de grands tabi'in dans la plupart des pays de l'islam. À Mecca, c'est rapporté de Abdullah ibn Abi Rabah, à Medina, c'est rapporté de l'imam Malik, et ainsi de suite. Dans tous les pays, vous trouvez que c'est rapporté authentiquement des grands tabi'in qui n'ont pas vu de mal à augmenter le nombre de salawat dans Tarawih et dans Qiyam al-Layl par allègement aux gens. Et qu'ils ont compris des textes que c'est pas 11 rak'at qu'il faut jamais dépasser. Voilà, donc ça de manière brève par rapport à ce point. Et ça me donne l'occasion de mentionner un autre point. Il faut savoir, mes frères, que ar-rawatib, les prières surrogatoires liées aux prières obligatoires, chez la plupart des savants, chez le Jumhur, sont meilleurs que Qiyam al-Layl. Sont meilleurs que Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, certes, c'est la meilleure des prières absolues, surrogatoires absolues. Mais les prières al-Rawatib sont meilleures que Qiyam al-Layl. Et parmi les erreurs et les négligences qu'on constate chez beaucoup de musulmans, c'est que, en particulier pendant Ramadan, je parle de ceux qui sont assidus à faire al-Rawatib, les 12 rak'at par jour, 2 avant le Fajr, 4 avant al-Dhuhr et 2 après al-Dhuhr, ou l'inverse, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Les 2 rak'at qui suivent Salat al-Isha, souvent dans Tarawih, et comme dans certaines mosquées, ils ne laissent pas le temps pour les faire, les gens, dès qu'ils finissent Tara al-Isha, il fait un peu d'adhkar et après il commence Tarawih. Et il ne fait pas ces 2 rak'at de Ratiba. Et comme je vous ai dit, le Jumhur, cette question vous pouvez la lire plus en détail dans la Ta'if al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Et donc, il ne faut pas négliger ces 2 rak'at. Quand tu as fini Salat al-Isha, si tu es derrière un imam et tu sais qu'il ne laisse que quelques minutes, dès que tu as fini, tu te lèves et tu fais Ratiba. Et ainsi tu commences avec lui At-Tarawih et tu négliges pas cette Ratiba. Et dans la situation actuelle, alhamdoulillah, ceci est facilité, tu as tout ton temps pour prier Ratiba. Qu'Allah accepte de nous tous et nous facilite le bien partout qu'on soit. Wallahu a'lam. Donc, dans le cours précédent, nous avons parlé d'un des plus grands événements de l'islam, l'hijra de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, qui a eu lieu l'année 13 de la prophétie. Et c'est dans l'année dans laquelle il y a eu l'hijra qu'a commencé le calendrier de l'Hégire. Donc l'Hijra, ça a eu lieu la première année du calendrier de l'Hégire. Sinon, c'est la 13e année depuis la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que suite à toutes ces persécutions et oppressions qu'ont subi les musulmans à Mecca, et quand c'est devenu insupportable pour eux, après l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'hijra, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur indiquait la terre vers laquelle sera cette hijra, qui est le Medina, avec son nom d'aujourd'hui, qui s'appelait auparavant Yathrib. Et on a vu que le Medina, avant, c'était une ville remplie de maladies, d'épidémies. Et par la dua du prophète, il a invoqué Allah de faire sortir toutes les maladies de le Medina et de la rendre bonne et pure pour ses habitants. Chose qui a été exaucée, alhamdoulilah. Et on a vu que Kuffar Quraysh ont comploté pour tuer et assassiner le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé d'eux et de leurs ruses et stratagèmes. Et également, on a commencé à parler de la tactique du prophète alayhi salatu wassalam dans son émigration. On l'a vu d'une manière globale et on a commencé à la détailler, chose que nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc on a vu que le rôle d'Abu Bakr radiallahu anhu dans cette hijra, le rôle d'Abu Bakr radiallahu anhu dans cette hijra a commencé par la préparation des montures. Il était très très heureux quand il a entendu que peut-être il accompagnera le prophète alayhi salatu wassalam dans sa hijra. Et il a préparé deux montures pendant 4 mois. Il les faisait nourrir et les préparait pour ce grand voyage. Et on a vu que parmi les techniques qui ont été employées par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'a pas pris le chemin habituel. Déjà avant de prendre le chemin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti vers une direction presque opposée à la direction de Medina. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a passé 3 jours dans cette grotte de Thawr en attendant, parce que Kuffar Quraysh, dès qu'ils ont appris qu'il est parti, bien évidemment, les recherches et les prix forts qui ont été mis en place pour celui qui le ramène mort au vivant, lui ainsi que son compagnon Abu Bakr radiallahu anhuma. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de rester dans cette grotte pendant 3 jours, en attendant que les recherches diminuent et que leur intensité baisse. Et il avait chargé sa fille Abu Bakr radiallahu anhu. Donc je parlais du rôle de Abu Bakr radiallahu anhu dans cette hijra. Il a chargé sa fille Asma radiallahu anha, dhatun nitaq ou dhatun nitaqayn. Les deux se disent. Nitaq, on a vu, c'est comme cette ceinture que les femmes mettaient au niveau du ventre pour serrer le ventre pendant le travail. Et ça, c'est à cause du travail dur que faisaient les femmes. Donc, il a chargé également son fils Abdullah, fils de Abu Bakr, il l'a chargé de faire de l'espionnage pour eux et d'essayer de savoir, d'avoir les nouvelles de Quraysh dans leurs recherches, également est-ce qu'ils ont commencé à désespérer de trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Il leur ramenait des nouvelles tous les jours. Comme il a chargé un de ses serviteurs de leur ramener, de faire paître ses moutons, pas loin de la grotte, afin de leur ramener des moutons pour prendre du lait, boire du lait, et quand ils avaient besoin d'égorger un mouton, ils le faisaient. Et ensuite, avant d'entrer déjà dans cette grotte, donc nous parlons toujours du rôle de Abu Bakr dans cette hijra. Et on va voir quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre le statut de cet homme dans l'islam. Et que c'est pas un fruit du hasard, c'est un homme qui a un rôle immense dans l'islam, radiyallahu anhu. Donc avant d'entrer dans la grotte, quand ils se sont approchés, lui et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans cette grotte, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de patienter. Et il est entré en premier dans la grotte et il s'est assuré qu'il n'y a rien de nuisible dans la grotte. Des serpents ou des scorpions ou des choses comme ça qui peuvent faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été authentifié par l'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans sa sira. Et ensuite, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, d'entrer dans cette grotte. Et ils ont pris place. Avec les recherches de Kuffar Quraysh, leurs recherches les ont menés jusqu'à la grotte dans laquelle ils étaient, le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr. Et ils étaient tellement proches, comme il a dit Abu Bakr, radiyallahu anhu, si l'un d'entre eux, et ça c'est entre parenthèses, c'est un minimum de adab, quand tu cites le nom d'un sahabi, de dire radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, et de ne pas dire Abu Bakr est passé, et qu'Allah nous pardonne quand on a des oublis par rapport à ça. Mais ça c'est un minimum de l'adab qu'on a appris de nos savants quand on cite les compagnons, radiyallahu anhum. Donc, au point où Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhum, il a dit, si l'un d'entre eux, il regarde l'endroit où il pose ses pieds, il nous verra. Et le prophète, alayhi sallam, l'a rassuré, lui a dit, rassure-toi Abu Bakr, que penses-tu de deux, dont le troisième est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah est avec eux, avec sa protection et avec sa veillance et sa surveillance, subhanahu wa ta'ala, son assistance, son soutien. Mais par son essence, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône au-dessus de toutes ses créatures de la manière qui convient à sa majesté et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, dans ce voyage, il a pris tous ses biens. Et ses biens étaient à peu près 5000 ou 6000 dirhams. Dirhams, donc, c'est la pièce, les pièces en argent. Et les dinars, c'est les pièces en or. Et sa fille Asma, radiallahu anha, quand le prophète, alayhi sallam, est parti avec Abu Bakr radiyallahu anhu, son grand-père, qui est le père de Abu Bakr, Abu Quhafa, est venu à la maison et il demandait auprès de son fils et de ce qu'il a laissé pour sa famille. Et quand il a commencé à poser des questions, est-ce qu'il vous a laissé quelque chose ? Asma radiyallahu anhu, avec son intelligence et pour ne pas faire paniquer son grand-père, elle a pris un sachet qu'elle a rempli en cailloux et elle l'a mis à l'endroit même où mettait Abu Bakr radiyallahu anhu son argent, et elle a demandé à son grand-père de mettre sa main et elle lui a dit, ne t'inquiète pas, il nous a laissé beaucoup de biens, alhamdulillah, alors qu'il n'avait rien laissé derrière lui. Il a pris tous ses biens pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans ce voyage, Mais elle a dit ça pour le rassurer, afin qu'il ne panique pas. Radiyallahu anha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son noble compagnon et Abu Bakr dans cette grotte, et ensuite Kuffar Quraysh ne les ont pas vus dans la grotte, et ils ont cherché et ils n'ont rien vu. Et il a été rapporté, comme on l'a vu dans le cours précédent, il a été rapporté que quand ils se sont approchés de la grotte, ils ont vu une toile d'araignée. Ils ont vu une toile d'araignée et ils ont dit que c'est pas possible que quelqu'un ait pénétré dans cette grotte en ayant cette toile d'araignée. Et ça, l'histoire de la toile d'araignée, ça a été jugé bonne par Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, et par Ibn Kathir dans sa Sira également. Il y a des savants qui jugent cette histoire, et surtout l'histoire des deux pigeons, les deux nids des pigeons, devant la porte de la grotte, ils les jugent toutes faibles. Mais pour nous, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son prophète, alayhi salatu wa salam, et ils n'ont pas pu les voir dans cette grotte. Après les trois jours, une fois que les trois jours soient passés, et que ça s'est passé bien, et que les nouvelles qui parvenaient au messager d'Allah alayhi salatu wa salam étaient rassurantes, les recherches des koufars de Quraysh se sont ont diminué et ont baissé dans leur intensité, ils ont décidé, avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de poursuivre leur voyage, vers Al-Madina. Et ça, c'était au bout de trois jours dans cette grotte. Et ils ont fait ce voyage à quatre. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, son compagnon Abu Bakr al-Siddiq, le véridique, et le serviteur de Abu Bakr, qui s'appelle Amir ibn Fuhayra, et le guide, ce guide qui était sur la mécréance, qui s'appelle Abdullah ibn Urqud. Et rappelez-vous que c'est pas Urayqid, comme c'est rapporté dans certains livres. C'est Urqud, Abdullah ibn Urqud. Et ils ont pris la route qui est sur la, au niveau de la côte de la mer, au niveau de la côte. Et ils n'ont pas pris la route habituelle, directe vers le Madina. Pour ceux qui connaissent la péninsule arabique, quand tu pars de Mecca, c'est comme s'ils sont partis vers Jeddah. Et de Jeddah, ils ont pris la route vers le Madina. Et cette route, elle existe encore aujourd'hui. Donc ils n'ont pas pris la route directement vers le Madina de Mecca, la route directe, en partant vers le nord de Mecca. Mais ils ont pris vers le sud-ouest jusqu'à arriver au niveau de la côte de la mer, et de là ils ont pris cette route jusqu'à Al-Madina afin d'esquiver tous ceux qui sont envoyés par Kuffar Quraysh pour les capturer. Et tout ça, comme on va voir, c'est beaucoup de causes que le Nabi alayhi salam a pris et a fait dans ce voyage afin d'esquiver à ses ennemis, tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en étant serein et rassuré de la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, ça nous permet de parler un petit peu de tawakkul et de rectifier certaines mauvaises compréhensions. C'est que tawakkul ne s'oppose pas avec le fait de prendre en considération les causes. Bien évidemment, on parle des causes légiférées. Ça ne fait pas partie des causes desquelles on parle, les causes qui sont interdites. Quand tu n'as pas de cause entre les mains autorisées, alors la seule cause qui reste pour toi, c'est tawakkul, c'est de placer ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Mais quant à la possibilité de faire des choses qui sont autorisées, il ne faut pas les négliger, car cela ne s'oppose pas au tawakkul. Tawakkul, bien évidemment, mes frères, notez bien cette faïda, c'est un acte du cœur. At-tawakkul, c'est purement un acte du cœur. Donc les causes ne font pas partie du tawakkul. Les causes, prendre en considération les causes, c'est une indication de ton bon tawakkul. Mais tawakkul, c'est un acte du cœur pur. C'est que tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas déléguer toute ton affaire à lui seul. Donc ça, c'est tawakkul. Maintenant, un tawakkul juste, c'est tawakkul dans lequel tu prends en considération les causes et tu ne les négliges pas. C'est pour ça, Cheikh l'Islam Taymi, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa, a dit « Al-iltifatu ila al-asbab shirkun fi al-tawhid » Celui qui se retourne complètement vers les causes, c'est un associationnisme dans l'unicité d'Allah. C'est une forme d'associationnisme. C'est-à-dire que la personne est orientée complètement vers les causes et elle croit que les causes agissent indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une forme d'associationnisme. De la même manière que ceux qui effacent les causes et qui nient que les causes soient des causes, ça, c'est une diminution dans la raison. Ça, c'est un signe de la folie et que la personne n'a pas de raison. Quelqu'un qui croit que le feu n'est pas une cause d'être brûlé. Et le premier, si on veut donner l'exemple avec le feu, on dira le premier, c'est celui qui croit que le feu te brûlera de toute manière, indépendamment de la volonté d'Allah. Et ça, c'est faux, et ça s'est vérifié faux dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Certes, le feu, c'est une cause. Yani, qui va faire que tu seras brûlé. Mais il y a d'autres éléments et d'autres choses qui sont des obstacles qui peuvent empêcher que le feu brûle. Par exemple, tu te mets sur le corps une matière qui empêche d'être brûlé. Donc même si le feu brûle, tu vas rentrer dans le feu avec cette matière qui empêche d'être brûlé, comme le faisaient certains soufis égarés à l'époque de Ibn Taymiyyah, et qu'il a dévoilé, et il faisait croire aux gens que c'était des karamates, et que c'était des alliés d'Allah. Il leur a ramené une matière, il leur a dit, on se lave tous avec cette matière et on rentre dans le feu. Et on verra qui sera brûlé ou pas. Ses élèves lui ont dit, est-ce que tu allais entrer dans le feu avec eux? Il a dit oui. Et Allah l'aurait sauvé. Il avait une certitude qu'Allah l'aurait sauvé, comme il a sauvé Ibrahim, alayhi salam, ce grand imam, Cheikh l'Islam, Taymi, rahimahullah. Donc je disais que ceux qui nient l'existence des causes, ceux-là, c'est des gens, c'est des fous, qui n'ont pas de raison. Et également ceux qui se détournent des causes complètement. Ça, c'est une critique à l'égard de la législation. Donc les troisièmes, c'est ceux qui pensent que tawakkul, la perfection dans tawakkul, c'est de ne pas tenir compte des causes. Et ça, c'est une accusation dans la législation qui a ordonné de tenir compte des causes et de ne pas les négliger. Et il a fini par dire « At-tawakkul wal-raja » معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع رحمه الله. Il a dit que التوكل placer sa confiance en Allah et الرجاء espérer ce qu'il y a auprès d'Allah, c'est un sens composé de ce que implique à la fois l'unicité d'Allah, la raison saine et la législation authentique. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ces choses-là. Parce que c'est Allah qui a ordonné l'unicité, et c'est Allah qui a révélé la législation, et c'est Allah qui a créé la raison. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ces choses-là. Et tawakkul, pour résumer, tawakkul, c'est que tu places ta confiance. C'est un acte purement du cœur dans lequel tu vas placer ta confiance en Allah. Et tu vas être serein et confiant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas faire à côté les causes qu'Allah t'a légiférées. C'est ça, tawakkul. C'est pour ça, vous voyez, vous avez constaté combien de causes a fait le Nabi alayhi salatu wasalam pour échapper à ses ennemis. Mais par contre, son cœur, il était comme on l'a entendu quand Abu Bakr a eu peur pour lui, suite à l'approche des koufars de Quraysh de la grotte. Il a dit, « Ma vannuka bithnayni Allahu thalithuhuma » Que penses-tu à Abu Bakr ? De deux, dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui leur tient compagnie. Comme j'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle al-ma'iyya al-khassa. Al-ma'iyya, elle est de deux catégories, amma et khassa. L'amma, elle est avec toutes les créatures. Allah est avec tout le monde, avec tous les sens de sa seigneurie. La science, la vue, lui, et ainsi de suite. Par contre, al-ma'iyya al-khassa, elle est spécifique à ses alliés, parmi les croyants, et le muwahhidin, à leur tête les prophètes, et leurs suiveurs, parmi les hommes de science, et tous les croyants. Et ça, c'est yani, une ma'iyya avec le soutien et l'assistance et l'aide. Donc son cœur était comme ça, était apaisé et serein, alayhi salatu wassalam. Ensuite, quand ils ont vu que les recherches ont diminué, ils ont, comme j'ai dit, ils ont pris la voie vers Sahil, vers la côte de la mer, et de là, ils se sont orientés vers le Madina. Après qu'ils aient traversé une distance, et que l'heure du repos est arrivé, ils ont aperçu, ils se sont mis sous un arbre, et un berger est venu avec son troupeau, pas loin de chez eux. Ils lui ont demandé de leur permettre de prendre du lait d'une de ses brebis. Et il a été d'accord. Abu Bakr, radiallahu anhu, lui a demandé de nettoyer les tétines de cette brebis, al-dar'a. Et ensuite, il lui a demandé de nettoyer ses mains. Et ensuite, il lui a demandé de traire du lait dans un récipient qu'il lui a passé, radiallahu anhu. Et quand il lui a donné le lait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir sous cet arbre. Il n'a pas voulu le réveiller, radiallahu anhu. Il l'a laissé jusqu'à ce qu'il s'est réveillé tout seul. Et pendant ce temps, il a rafraîchi ce lait, car c'est le désert. Vous imaginez, yani, le lait qui sort, yani, il va être chaud. Donc il l'a rafraîchi avec l'eau froide qu'il avait, radiallahu anhu. Et quand le Nabi alayhi sallam s'est réveillé, il lui a donné à boire. Et subhanallah, il lui a donné à boire. Écoutez ce qu'il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bu, il a dit « فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَضِيتُ » Donc il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que Abu Bakr était satisfait. C'est qui était satisfait? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Non, il a dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que j'étais satisfait. Subhanallah. C'est une parole très très forte et qui indique le grand amour qu'avait Abu Bakr radiallahu anhu pour notre noble et bien-aimé prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, il a bu jusqu'à ce que j'ai été satisfait. Il est satisfait quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien bu. Radiallahu anhu arda. Siddiqu hadhi l'umma. Le véridique de cette communauté. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont bu tous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de reprendre le voyage. Et ils ont repris leur voyage. Et sur la route, ils ont rencontré un homme. Abu Bakr, c'est un homme connu. Mais beaucoup ne connaissaient pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va le voir, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ils ont vu que Abu Bakr, il avait plus de poils blancs dans la barbe. Ils ont cru que c'était lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme qu'ils ont rencontré sur leur route, il a demandé à Abu Bakr, il a reconnu Abu Bakr radiallahu anhu. Il lui a dit, c'est qui cet homme? En parlant du prophète alayhi sallatu wassalam. Abu Bakr a dit, Rajulun yahdini sabil. C'est un homme qui m'indique la voie. Il veut dire la voie du bien, qui m'indique la religion, qui est la voie du paradis. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est un guide. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'arib, al-ta'rib, afin que cet homme ne sache pas que c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais il avait entendu de ce prix qui a été mis pour ceux qui le capturent ou quoi que ce soit, et donc il a préservé l'anonymat du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de cette belle façon. De cette belle façon. Radiallahu anhu. Également parmi ce qui s'est passé, quand ils étaient sur leur route, Abu Bakr, bien évidemment, sur la route, il ne cesse de regarder à droite, à gauche, devant, derrière. Des fois il vient derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois il vient devant lui. Et pendant qu'ils étaient sur leur route, Abu Bakr radiallahu anhu a aperçu un homme qu'il a reconnu. Un homme de la tribu de Mudlij, qui s'appelle Suraq ibn Malik ibn Jush'um. Suraq ibn Malik ibn Jush'um. Donc cet homme, il était assis avec les siens à Mecca et un homme est venu de sa tribu, de Mudlij également. Il a dit à Suraqa, quand il a vu avec des kuffars de Quraysh, il lui a dit, j'ai vu deux hommes vers la côte. Et là tout de suite Suraqa, cet homme extrêmement intelligent, il a deviné que c'est Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il a dit, non, non, t'inquiète pas, je sais qui est passé par là, et c'est des gens qu'on connaît. Il a esquivé, il est resté avec les gens un petit peu, et après il est rentré chez lui, il a demandé à sa servante de lui préparer sa monture. Et il les a poursuivis. Il a su que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, en voulant prendre ce prix qui a été proposé par Quraysh pour celui qui attrape le prophète alayhi sallam et son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, 200 chameaux, 100 chameaux chacun. Et Abu Bakr l'a aperçu de loin quand il s'est approché d'eux. Il a dit au messager d'Allah, ça c'est Suraq ibn Malik, depuis un moment il nous poursuit. Et le Nabi alayhi salam a invoqué Allah contre lui. A invoqué Allah contre lui, et ensuite, son cheval, il est venu à deux cheval, son cheval s'est enfoncé dans le sable. Son cheval s'est enfoncé dans le sable. C'est comme s'il a coulé dans le sable. Yani au niveau du pied, des pieds jusqu'au genou. C'est arrivé jusqu'au genou. Et il a su que ce qui lui est arrivé, Suraqa, il a su que ce qui est arrivé, c'est à cause de du'a du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a essayé de sortir son cheval, et quand il a sorti un de ses pieds du sable, il a vu une fumée qui montait. Et il a compris que il n'aura pas la possibilité de les attraper. C'est des gens protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des hommes protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle l'istiqsam bil azlam. Il a sorti ses flèches et il a essayé de consulter le sort de la manière que faisaient les Arabes. Ils avaient toujours avec eux ces flèches et ils font comme un tirage au sort. Si la flèche du bien sort, il continue sa route, sinon il fait demi-tour. Pour lui, il n'y a pas de bien. Et quand il a fait ça, il a essayé de consulter le sort au moyen de ses flèches, yani entre parenthèses des flèches divinatoires, des flèches divinatoires, c'est sorti la flèche de ne pas faire. Sur une flèche, il y a if'al, sur l'autre, ils ont la taf'al. Fais, ne fais pas. Et là, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, d'invoquer Allah pour le sauver et de faire un pacte avec lui. Chose que le Nabi, alayhi salatu wassalam, a accepté. Et Abu Bakr a sorti un morceau de cuir sur lequel le Nabi, alayhi salatu wassalam, a demandé d'écrire des choses qu'il a promis à Suraq ibn Malik. Et Suraq ibn Malik, de son côté, il a assuré la protection du prophète alayhi salatu wassalam de Abu Bakr de ce côté-là. Et il est retourné chez les siens, et il leur a dit, c'est bon, tout ce côté-là, je l'ai vérifié, il n'y a rien, donc ce n'est pas la peine d'aller vers cet endroit, de faire des recherches dans cet endroit-là. Et Suraq ibn Malik, radiyallahu anhu, qui est devenu muslim quand Nabi alayhi salatu wassalam a fait Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, après la fin de la bataille, donc ça c'est après la bataille de Hunayn et de Ta'if, quand Nabi alayhi salatu wassalam a fini, Suraqa est venu. Il a sorti ce que le Nabi Aïssalam lui avait écrit. Quand je dis écrit, ça ne veut pas dire qu'il a écrit lui-même, mais qu'il a ordonné d'être écrit. Et ce qu'il lui avait promis. Et comme c'était, il y avait les butins, tout ça, donc le Nabi Aïssalam a dit, aujourd'hui c'est un jour d'accomplissement de promesses et de bonté. Et il a donné à Suraqa tout ce qu'il lui avait promis. Et Suraqa est entré dans l'islam, yani dans cette année, l'année du pèlerinage d'adieu, radiyallahu anhu. Et parmi les choses que le Nabi alayhi salam lui a dit ce jour-là, le jour quand il les a poursuivis, il lui a dit, que penses-tu Suraqa, si un jour tu porterais les bracelets de Kisra? Kisra, c'est l'empereur perse, le roi des Perses. Le roi des Perses qui prétendait être une divinité. Et il lui a dit, que penses-tu? Et si un jour tu porterais ces bracelets. Et quand le pays des Perses était conquis par les musulmans à l'époque de Omar radiallahu anhu, ils ont ramené ces bracelets, la ceinture, avec plein de bijoux qu'ils mettaient sur son milieu au niveau de du ventre, tout ça, et la couronne de Kisra, ils ont ramené tout ça et ils ont fait porter ça à Suraq ibn Malik. Et cette prophétie a été accomplie et ce que le Nabi lui a dit a été vérifié. Radiallahu anhu. Sur le route également, Nabi al-Salam et son noble compagnon Abu Bakr sont passés par les deux tentes d'une femme qui s'appelle Ummu Ma'bad al-Khuza'iyya. Ummu Ma'bad al-Khuza'iyya. Et ils se sont reposés chez elle, dans sa tente. C'est une femme qui était mécréante. Et ils lui ont demandé de leur ramener du lait ou là quelque chose à boire. Et elle s'est excusée à cause de la pauvreté et la disette, enfin la disette de laquelle elle souffrait. Elle souffrait de beaucoup de pauvreté et qu'elle n'avait rien. Et ils ont aperçu, le Nabi Aïssa a aperçu une petite brebis très très faible, esquintée. Au point où cette brebis n'est pas partie avec le troupeau de Ummu Ma'bad dans les pâturages. Tellement elle est faible. Le Nabi Aïssa lui a demandé de lui ramener cette brebis afin de la traire. Elle a dit, s'il sort d'elle quelque chose, vas-y. Pour elle, c'est pas possible. C'est une brebis, Lana, vous savez, une brebis qui donne du lait, c'est une brebis en pleine forme. Et aussi une brebis qui vient d'avoir, qui vient d'accoucher. Elle a dit, vas-y, si tu penses qu'il sortira quelque chose, vas-y. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a approché, il a nettoyé les tétines de cette brebis, et il a dit, bismillah, il a demandé un récipient, il a commencé à traire. Et le lait sortait avec abondance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bu, a fait boire à tous ses compagnons, à ceux qui étaient avec lui, Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra, Abdullah ibn Urayqid, Abdullah ibn Urqud, tellement c'est ce qu'on connaît tous, mais ce qui est juste, c'est Urqud. Et après, il lui a rempli son récipient et il lui a demandé de garder le lait pour elle. Et quand son mari est revenu des pâturages, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Il a dit, voilà, un homme est venu. Il lui a demandé de décrire cet homme, le prophète Aïssa Salam. Et il a su que c'était l'homme demandé par Quraysh. Et il a dit, j'aurais tellement aimé l'accompagner et être avec lui. Et si jamais je trouve le moyen d'y arriver, je le ferai. Et Ummu Ma'bad, il est rapporté d'elle un hadith dans la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la personne qui a décrit le mieux le prophète alayhi salatu wassalam physiquement. Parce que comme vous savez, et ça on va le voir, ce hadith, l'imam Ibn Kathir l'a cité dans Shama'il, quand il a parlé des traits du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, la raison pour laquelle c'est cette personne qui a décrit le mieux le prophète Aïssa Salam, parce qu'elle était mécréante et elle le regardait. Et Sahaba, comme vous savez, la plupart d'entre eux n'ont jamais fixé le prophète Aïssa Salam avec le regard, tellement ils le respectaient. Et ceux qui l'ont décrit parmi les compagnons, radiallahu anhum, il n'y en a pas beaucoup. Parmi ceux qui l'ont décrit le mieux, c'est Ali ibn Abi Talib, et ça également on va le voir, et c'est un autre sahabi, dont j'ai oublié le nom, qui était spécialisé dans la description des hommes. Et lui également, il a décrit le prophète Aïssa Salam d'une manière parfaite, qui nous permet d'avoir sa description exacte avec ce qui a été rapporté de Ummu Ma'bad également. Donc après, le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine le 12 Rabi al-Awwal de l'année 13 de la prophétie, qui, comme on a vu, l'année 13 de la prophétie, c'est la première année de l'immigration. Donc il est arrivé un lundi, le 12 Rabi al-Awwal. Et ça, on l'avait vu, les événements qui ont eu lieu dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam le lundi. Parmi ces événements, c'est l'arrivée à Al-Madinah. C'était le lundi 12. Et quand les Ansar ont entendu la sortie du prophète alayhi salatu wassalam de Mecca et qu'il s'est dirigé vers Al-Madinah, il sortait chaque jour vers une montagne, il l'attendait là-bas. Yani l'endroit par lequel arrivent en général ceux qui viennent de Al-Madinah. Et il l'attendait jusqu'au jour, jusqu'à ce lundi 12 Rabi al-Awwal, l'année 13 de la prophétie, quand, en matinée, il est arrivé à Al-Madinah, en matinée, et chaque jour les Ansar sortaient de bonne heure. Et après, quand ils ne le voient pas arriver, ils retournent chez eux. Ce jour-là, ils sont sortis comme d'habitude. Et après un certain temps, ils ont pensé qu'il n'allait pas arriver aujourd'hui. Chacun est retourné chez lui. Et le premier qu'il a vu arriver à Al-Madinah, c'est un homme juif qui était sur le toit de son château. Il avait comme un château. Parce que les juifs, toujours, ils vivent dans des forteresses protégées, comme des châteaux, pour être protégés. Et Allah Azzawajal a jeté la peur dans leur cœur. Et il a crié, « Ya Bani Qayla !» Dans une version, « Ya Ma'shar al-Arab !»« Oh, vous les Arabes !» Bani Qayla, c'est le nom des deux tribus, l'Aws et le Khazraj. Comme vous savez, l'Aws et le Khazraj, ce sont des Qahtaniyoun, originaires du Yémen. Et le prophète, alayhi salam, c'est Adnani. C'est un arabe descendant de Ismaïl, alayhi salam. Avec la divergence qu'on a vue quand on a parlé de la noble origine du prophète, alayhi salam. Donc il les a appelés, « Ô Banu Qayla, voici votre chance et votre bonheur qui est arrivé. » Ils parlaient du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils sont sortis avec leurs armes et ils l'ont accueilli, l'accueil des prophètes, comme a dit l'imam Ibn Kathir. Et le Nabi alayhi salatu wassalam s'est arrêté dans l'endroit où a été construite la première mosquée qui a été construite dans l'islam, la mosquée de Quba. La mosquée de Quba. Il s'est arrêté chez un homme qui s'appelle Kulthoumou Ibn al-Hidm. Dans d'autres versions, il s'est arrêté chez un homme qui s'appelle Sa'd ibn Khaythama, radiyallahu anhum jami'an. Et les musulmans venaient saluer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et la plupart d'entre eux, parmi les musulmans de Medina, n'avaient jamais vu le prophète auparavant. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux pensaient que c'était Abu Bakr, parce qu'il avait plus de poils blancs dans la barbe. Le Nabi alayhi salam, il est décédé, il avait pas plus de 20 poils blancs. Et quand la chaleur s'est intensifiée, Abu Bakr radiallahu anhu, il couvrait le prophète alayhi salam avec son tissu. Et c'est là où ils ont compris que c'était lui le prophète alayhi salam et non pas Abu Bakr, ceux qui voyaient de loin. Parmi ce qui est rapporté et que j'ai oublié de mentionner, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce voyage, à l'approche de Al-Madinah, quand il est arrivé à un endroit qui s'appelle Al-Ghamim, Buraïd ibn al-Husayb al-Aslami, qui est le maître de Aslam, de sa tribu Aslam, il est sorti derrière le prophète عليه الصلاة والسلام et Abu Bakr, ils voulaient le prix qu'avait proposé Quraysh. Et quand il est arrivé, il les a vus, le Nabi عليه الصلاة والسلام lui a fait de la da'wa à l'islam. Il a accepté l'islam et ce jour-là, il est entré dans l'islam, lui et 80 familles de sa tribu. Et ça a été dit, plus ou un peu moins, en tout cas beaucoup de sa tribu sont entrés dans l'islam. Et il a donné son turban, il a retiré son turban, il l'a donné au prophète, il lui a dit, il ne convient pas que tu rentres dans le Medina sans avoir un turban, sans avoir un étendard, comme une bannière. Et il lui a donné ce turban que le Nabi a utilisé comme étendard et il est entré avec dans le Medina. Également, quand le Nabi a sur sa route vers le Medina, ils ont croisé une caravane commerciale appartenant à des musulmans, des Mekkois commerçants, parmi lesquels il y avait Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et quand il a vu le prophète et Abu Bakr, il leur a donné à chacun des vêtements blancs, neufs, radiyallahu anhu. Ceci est rapporté dans le cantique de l'imam al-Bukhari. Voilà par rapport à jusqu'à l'arrivée de l'Madina. On va voir dans le cours précédent, dès que le Nabi est arrivé à l'Madina, tout ce qui s'est passé, par quoi il a commencé. Mais avant de finir aujourd'hui, il y a un point très important que j'ai préféré laisser tout à la fin, c'est tout ce que les musulmans ont subi dans cette hijra vers l'Madina. Ne croyez pas que les musulmans, ils ont pu faire l'hijra comme l'un d'entre nous, il fait l'hijra en avion, en prenant son argent et tranquillement il repart dans le pays où il veut, de manière générale. Non, pour cette hijra, ils ont subi des choses immenses, radiyallahu anhum. On ne va pas citer tout, je vais citer quelques exemples et ils nous permettront, bi'idnillah, de comprendre le reste. Parmi les choses qui sont rapportées, tout ça c'est authentique, c'est l'histoire de la famille de Abu Salama, radiyallahu anhu, et son épouse Umm Salama. Abu Salama, comme vous savez, c'est le frère d'allaitement du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Hamza. Abu Salama ibn Abd al-Asad, radiyallahu anhu. Et son épouse, c'est Umm Salama, qui va devenir l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Son mari a fait l'hijra. Et il l'a pris avec elle, avec lui son épouse et son fils. Il a pris avec lui son épouse et son fils. Et quand la famille de Umm Salama a entendu que Abu Salama, il voulait prendre avec lui son épouse, ils sont venus, ils ont dit, tu vas pas prendre notre fille. Si tu veux émigrer, pars tout seul. Et laisse-nous la fille et le garçon. Et ils ont pris la fille et le garçon. Après, la famille de Abu Salama sont venus, ils ont dit, vous voulez garder votre fille, c'est votre affaire. Mais leur fils, ça nous appartient à nous et pas à vous. C'est nous qui allons le garder. Et ils se sont disputés le fils jusqu'à ce qu'ils lui ont arraché le bras. Et ensuite, c'est la famille de Abu Salama qui l'ont gardé avec eux. Et Umm Salama, radiyallahu anha, elle est restée une année dans la tristesse. Et chaque jour, elle sortait et elle pleurait. Elle était séparée de son mari. Son mari, comme elle a décrit quand il est décédé, elle a dit, quand mon mari est décédé, j'ai dit, Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khayran minha. Dua qui est rapporté dans la sunna. Mais elle a dit, qui peut être meilleur que Abu Salama? Regardez comment cette femme, elle décrit son mari après sa mort. Qui peut être meilleur que Abu Salama? Effectivement, Allah Azzawajal lui a donné meilleur que Abu Salama, radiyallahu anhu. Il lui a donné le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est pour montrer comment était pour elle son époux, Abu Salama. Et son fils également. elle était séparée de son fils. Et radiallahu anha, elle est restée toute une année comme ça. Elle est restée toute une année comme ça à peu près. Et quand les siens l'ont vue dans cette tristesse, elle pleurait tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils ont dit, ils ont fini par céder, ils ont dit, si tu veux rejoindre ton mari, vas-y, rejoins ton mari. Et la famille de son mari également lui ont donné son fils. Et elle a pris une monture, elle et son fils, et ils ont décidé de faire ce voyage vers le Médina. Elle est sortie, et elle n'a trouvé personne pour l'accompagner. Elle est sortie, radiallahu anha, avec son fils seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un homme. Un homme, subhanallah. Un homme qui était mécréant, qui s'appelle Uthman ibn Abi Talha. Ou Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. C'est pareil. Ça, c'est rapporté avec une bonne chaîne de transmission. Il lui a envoyé cet homme, il l'a reconnu. Et lui, il était mécréant. Uthman ibn Abi Talha, c'est l'homme qui avait les clés de Kaaba. Et c'est toujours dans sa famille jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont les clés de Kaaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a gardé, yani, cet héritage. Uthman, quand il a vu Umm Salama radiallahu anha, il lui a dit, tu vas où? Vers où? Ya bint Abi Umayyah. Tu vas vers où? Elle lui a dit, je veux rejoindre mon mari. Il lui a dit, il y a quelqu'un pour t'accompagner? Elle a dit, non, par Allah. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala et mon fils. قالت لا والله إلا الله وابني هذا. Il a dit, écoutez cette parole. Et si on devait l'écrire avec de l'or, on l'aurait écrit avec de l'or. Il a dit, والله ما لك من مترك. Il a dit, par Allah, ce n'est pas possible de ne pas t'accompagner et de te laisser voyager seul. Et il a pris son chameau. Il a pris le chameau de Umm Salama radiallahu anha par la muselière. Et il l'a conduit, il était devant elle. Et à chaque fois, quand il sentait qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait se reposer, il arrêtait le chameau à un endroit, à l'ombre, et il se mettait de côté pour qu'elle descende. Pour qu'elle descende, yani, tranquillement, et qu'elle ne soit pas gênée par son regard. Il se mettait de côté. Et quand elle descend, il vient, il prend le chameau, et il le met à l'endroit où il voulait le mettre. Pour manger, ou là pour boire, ou là pour se reposer aussi à l'ombre. Et quand il devait reprendre le voyage, il lui ramenait encore le chameau, il se mettait de côté. Jusqu'à ce qu'elle monte avec son fils, et il vient, il prend le chameau par la muselière, et il le conduit. Il a agi ainsi jusqu'à Al-Madina. De Mecca jusqu'à Al-Madina. Ce qu'il faut savoir, c'est que Uthman, quand il a vu Umm Salama radiallahu anha, il revenait de voyage. Et il l'a accompagné pendant tout ce voyage. De cette manière, dans laquelle il a fait preuve de bravoure et de courage et de veillance, bienveillance. Et il était extrêmement pudique et respectueux. Toutes ces qualités, malheureusement, qu'on ne trouve pas chez beaucoup parmi nous. Qu'Allah nous fasse miséricorde. C'était un homme mécréant. Kafir. Il l'a accompagné dans ce voyage au point où Umm Salama radiallahu anha, quand elle parlait de Uthman radiallahu anha, elle disait, je n'ai jamais vu un compagnon comme lui. Brave, veillant, pudique, respectueux. Il n'a pas voulu laisser une fille qui n'est pas exactement de la même tribu que lui. Mais ils sont tous des tribus arabes de Quraysh. mais elle n'est pas de sa tribu exactement. Mais malgré ça, il l'a accompagné et lui a dit, par Allah, on ne peut pas t'abandonner comme ça, on ne peut pas te laisser comme ça. Et il l'a accompagné de cette manière jusqu'à arriver à Al-Madina. Et dès qu'elle est arrivée à Al-Madina et qu'elle a observé l'endroit vers lequel était son mari, il a fait demi-tour. Il n'attendait ni la récompense, ni le remerciement, ni quoi que ce soit. Il a fait ça et il a fait demi-tour, il a refait ce voyage. Imaginez, il revenait de voyage. Un voyage vers Al-Madina, un autre voyage vers Mecca. Tout ça, c'est pour ses qualités et d'autres qu'Allah Azza wa Jalla a choisi ces Arabes pour porter son dernier message. Le message qui restera jusqu'à la fin des temps. Et Uthman, radiallahu anhu, est entré dans l'islam. Comme j'ai dit, c'est lui qui avait les clés de l'Kaaba. Il est entré dans l'islam et je ne me rappelle pas c'était dans l'année de Am al-Qadiyya, ce qu'on appelle Am al-Qadiyya. C'est 7 ans après l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam qu'il est entré dans l'islam. Am al-Qadiyya, c'est l'année dans laquelle, l'année suivante du pacte de l'Hudaybiyah, l'année suivante dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme si ça a été appelé l'année du rattrapage, parce qu'ils les ont empêchés cette année de l'Hudaybiyah de faire l'Umrah, ils leur ont promis de revenir l'année suivante dans le même mois pour faire l'Umrah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu l'année suivante, qui s'est fait appeler Am al-Qadiyya, dans laquelle il a fait l'Umrah, alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam a fait 4 Umrah, et ça on va le voir, bi'idhnillah. Il a fait Umrah al-Hudaybiyya, qui était comptée pour une Umrah, car ils étaient repoussés par Kuffar Quraysh. Ils n'ont pas pu la faire à cause de ça. C'est pour ça que ça a été comptabilisé comme une Umrah. Et la deuxième Umrah, c'est l'Umrah qu'il a fait l'année suivante du rattrapage, et la troisième umra c'est celle de l'Jirrana, et la quatrième c'est l'umra qu'il a fait avec son pèlerinage alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam a fait 4 umras dans l'islam. Il a fait un seul pèlerinage qui est le pèlerinage d'adieu dans l'islam, et une fois que le pèlerinage est devenu légiféré dans l'islam. Une fois que le pèlerinage a été prescrit dans l'islam. Ça me fait penser à un autre point duquel j'ai parlé quand j'ai parlé des rêves. Bien évidemment, comme vous savez, les rêves, on ne se base pas sur un rêve pour sortir des ahkam, des jugements religieux. Le rêve, ça peut être une bonne nouvelle pour le croyant, qu'il voit lui-même ou que quelqu'un d'autre voit pour lui. Le rêve, c'est une partie de 46 parmi les de la prophétie. Une partie de 46 parties de la prophétie. C'est ce qui va rester chez les gens après l'arrêt de la révélation. Donc c'est une bonne nouvelle. Le rêve, ça réconforte. C'est une bonne nouvelle pour le croyant. Mais on ne se base pas dessus pour sortir des ahkam. Un rêve ne peut jamais rendre autorisé quelque chose ou l'interdire à partir d'un rêve. Également, parmi les histoires étonnantes, extrêmement étonnantes, c'est celle de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. L'histoire de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il a fait le hijra, il s'est donné rendez-vous avec Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Ils se sont donné rendez-vous à un endroit pas loin de la tribu de Rifar, Bani Rifar. Et à cet endroit-là, dans lequel ils se sont donné rendez-vous, ils sont arrivés effectivement tous les trois à cet endroit. Et Abu Jahl et le Harith ibn Hisham, ils sont venus Ils ont demandé à Ayyash de les accompagner et de revenir avec eux à Mecca. Et c'était ses oncles maternels. Yani, son oncle maternel et l'autre, c'était son demi-frère du côté de sa mère. Ils lui ont demandé de revenir avec eux. Ils ont sorti comme excuse et prétexte la mère de Ayyash, qui avait fait un vœu de ne rien manger et de ne point jamais se coiffer jusqu'à ce que Ayyash revienne la voir. Et Ayyash est affaibli à cause de ce qui lui a été dit par rapport à sa mère. Et ça, en réalité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et il s'est dit, je vais retourner voir ma mère une dernière fois, et en plus, je vais prendre mon argent que j'ai laissé là-bas, et je fais mon hijra. Omar radiallahu anhu a compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait, quelque chose de pas net. Il y en a ici, c'est qui lui propose? C'est Abu Jahl, grand ennemi de l'islam, et Harith ibn Hisham. Et il lui a dit, par rapport à ta mère, si elle a beaucoup de poux ou elle a des problèmes dans ses cheveux, elle va finir par se coiffer, ne t'inquiète pas. Et si à la fin, elle va finir par manger. Et par rapport à ton argent, regarde, ça c'est mon argent, je te donne la moitié. Je te donne la moitié. Et ne les accompagne pas. Mais Ayyash a insisté. Et eux, ils ont insisté sur Ayyash au point que Ayyash radiallahu anhu était d'accord. Et quand Omar radiallahu anhu a vu que Ayyash était déterminé à voir sa mère, il lui a dit alors à ce moment-là, je vais te donner ma chamelle. Prends-la, car c'est une chamelle rapide. Et reste sur son dos. Ne descends surtout pas jusqu'à voir ta mère et prendre ce que tu veux prendre et repartir. Ne descends surtout pas du dos de la chamelle. Regardez comment Omar, il fait tout pour préserver la religion de son frère. C'est ça la leçon que je veux que vous notez bien, mes frères et sœurs. Regardez comment sahaba, ils font tout pour préserver la religion de leurs frères et de leurs sœurs dans l'islam. Ils donnent la moitié de ses biens. Mais quand il voit qu'il est déterminé, il lui dit, prends ma chamelle, moi je vais prendre la tienne, même si elle n'est pas très rapide. Mais toi, tu auras besoin d'une chamelle rapide si jamais il y a un complot. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et sur la route du retour, Abu Jahl a dit, mon chameau est devenu très lourd. Est-ce que tu peux me prendre avec toi sur ta chamelle? Il a demandé ça à Ayyash. Et Ayyash a dit, d'accord. Radiallahu anhu. Et dès qu'il est descendu pour que Abu Jahl monte avec lui, ils l'ont attrapé. Et ils l'ont ligoté. Et ils l'ont torturé et éprouvé jusqu'à ce qu'il a été tenté dans sa religion. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, il a été tenté dans sa religion? Ce qui est rapporté, c'est qu'il est revenu dans la mécréance à cause de ce qu'il a touché, à cause de la dureté de l'épreuve qu'il a subie, radiallahu anhu. Et lui et Hisham également. L'autre compagnon avec lequel ils avaient rendez-vous avec Omar radiallahu anhu, qui s'appelle Hisham ibn al-As. Les deux ont été tentés à Mecca. Et c'était parmi les rares qui sont restés à Mecca. Ils les ont capturés, ils les ont empêchés d'émigrer. Et en plus, ils les ont tellement torturés et tentés dans leur religion, au point où ils étaient tentés tous les deux. Radiallahu anhum. Et ils disaient, yani Omar qui dit, que les compagnons disaient, al-Madina, ils disaient que Allah Azza wa Jal n'acceptera pas de quelqu'un qui a délaissé sa religion après qu'il ait connu la vérité. Et ils sont retombés dans la mécréance à cause de la dureté de l'épreuve. comme on a vu. Et est-ce que Omar les a oubliés? Il a oublié ces deux hommes? Est-ce que Omar a oublié ces deux hommes? Non, il ne les a pas oubliés. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dans le sens approximatif de ces versets, Allah عز وجل nous dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis, ô mes serviteurs qui avait été excessif envers vous-même, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui est l'absoluteur, le tout miséricordieux. Et dès que ce verset a été révélé, Omar l'a écrit sur un bout de papier, il l'a envoyé à Hisham ibn al-As, radiyallahu anhu, qui était tenté dans sa religion avec Ayyash. Et Hisham, il dit que quand il a lu ce verset, il a pensé que ça a été révélé par rapport à... Allez, au début, il n'a pas compris, il n'a pas très bien compris le verset. C'est ce qu'il dit. Et il a invoqué Allah pour lui faire comprendre ce verset, et c'est là où il a compris que c'est révélé par rapport à eux. Ceux qui ont été tentés dans leur foi après qu'ils aient connu la vérité. Et c'est là où ils ont su qu'Allah pardonne tous les péchés, quelle que soit leur gravité, du moment que tu reviens vers lui. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs qui avaient été excessifs envers eux-mêmes, même avec la mécréance, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Et ils sont revenus dans leur religion et ils ont pu faire le hijra par la suite. Et c'est rapporté que le Nabi alayhi salatu wassalam invoquait Allah en faveur d'eux, avec leur nom, et en particulier ses deux compagnons, Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn al-As. Yani, parmi les profits à tirer, c'est regarder comment sont les sahaba, comment ils donnent tout, ils donnent ses biens, ils donnent son argent, la moitié de ce qu'ils possèdent, pour préserver la religion de son frère et de sa sœur. Et on a vu comment Sa'd, radiyallahu anhu, il portait sur une planche Mus'ab ibn Umayr afin qu'il ne faiblisse pas dans sa foi à cause de la dureté qu'il traversait, la pauvreté, lui qui était habitué à l'aisance. Regardez comment étaient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre eux, cet amour, cette entraide dans le bien, il vise à protéger et à préserver la religion de son frère. Il fait tout pour le préserver, pour qu'il soit dans la guidée. Et comparer ça à ce qu'on voit de nos jours. Wallah musta'an. Je termine avec l'histoire d'un très grand compagnon. Donc, un autre compagnon, radiyallahu anhu, parmi ceux qui ont fait le hijra et qui ont tout délaissé derrière eux, c'est Abu Yahya. Abu Yahya al-Rumi. Mais subhanallah, j'ai oublié le prénom. Khair inshallah. En tout cas, il est très connu. En tout cas, ce sahabi radiyallahu anhu, quand il a voulu faire le hijra, il a... Kuffar Quraysh, quand ils l'ont su, ils lui ont dit, toi, t'es arrivé ici chez nous et t'étais un homme très pauvre. T'étais un homme très pauvre. Et aujourd'hui, tu veux repartir avec tous ces biens et avec tout ce que tu as pu gagner comme fortune chez nous. Tu veux repartir chez toi avec tous ces biens. On ne t'autorisera pas cela. Il a dit, qu'est-ce que vous dites si je vous laisse tous mes biens et je repars comme je suis arrivé, les mains vides. Donc ça me vient, c'est Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu. Il a dit, je vous laisse tous mes biens, et je repars comme je suis arrivé. Et je repars comme je suis arrivé. Et désolé, je pensais que c'était interrompu. Il a dit, je vous laisse tous mes biens. Et là, ils ont accepté. Il a laissé tous ses biens derrière lui. Il est reparti, les mains vides, radiyallahu anhu. Il a fait le hijra comme ça, vers le Medina. Et sur la route, Jibril, alayhi salam, est descendu informer le prophète, alayhi salam, de ce qu'a fait cet homme. Et le Nabi, alayhi salam, il disait, « Rabiha al-bay'u Aba Yahya. » Rabih al-bay'u Aba Yahya. Il a fait un commerce. Il a fait un commerce gagnant. Un commerce fructueux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a délaissé dunya derrière lui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sahabi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait beaucoup. Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu. Voilà mes frères. J'espère que ça n'a pas été très long. Et voilà, par rapport à aujourd'hui, je demande à Allah Azzawajal de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous maintenir sur Tawhid et sur la sunna pure de notre prophète alayhi salatu wa salam jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.